J'ose à peine, me retourner. Il est dedans. Ah, c'est bien fait. Hein. Et on tape dessus. Allons, allons, Polonais, allez-y, à tour de bras. Il a bon dos, le misérable. Moi, je n'ose pas, le regarder. Et cependant, notre prédiction s'est complètement réalisée. Le bâton à physique a fait merveille. Et nul doute que je ne l'eusse complètement tué si une inexplicable terreur n'était venue combattre et annuler en nous les effets de notre courage. Mais nous avons dû soudainement tourner casaque et nous n'avons dû notre salut qu'à notre habileté comme cavalier ainsi qu'à la solidité des jarrets de notre cheval à finance dont la rapidité n'a d'égal que la solidité et dont la légèreté fait la célébrité, ainsi qu'à la profondeur du fossé qui s'est trouvé fort à propos sous les pas de l'ennemi de nous, l'ici présent maître des finances. Tout ceci est fort beau, mais personne ne m'écoute. Allons bon, ça recommence. Les dragons russes font une charge et délivrent le tsar. Cette fois, c'est la débandade. Allons, allons, en route! Mais quel tas de gens! Quel tas de gens! Quelle fuite! Quelle multitude! Comment me tirer de ce gâchis? Ah, non, toi, mais fais attention! Ou tu vas expérimenter la bouillante valeur du maître des finances! Ah, il est parti! Sauvons-nous, et vivement, pendant que Lassie ne nous voit pas! Il sort. Ensuite, on voit passer le tsar et l'armée russe poursuivant les Polonais. Thank you.